Pour ma dernière émission, j'aurais voulu venir entouré de jeunes. La loi ne le permet pas, je le regrette, car c'est pour la jeunesse que je mène un combat pour l'avenir. Citoyennes et citoyens, Françaises et Français, il faut à tout prix renouveler la politique et la débarrasser aussi bien de cet immobilisme que de ces idées fausses qui freinent et dénaturent la République. Au cours de cette campagne, je n'ai rien dit qui ne soit conforme à ma pensée. Je n'ai rien proposé que je ne puisse, au pouvoir, décider et appliquer. Respect de la personne humaine à tous les âges de la vie, promotion de la famille, réforme de l'éducation, liberté des entreprises, reconquête du marché intérieur, défense des travailleurs contre le chômage, indépendance et rayonnement de la France. Pour ce programme, un gouvernement de salut composé au-dessus des clans et des chapelles d'hommes et de femmes venus d'horizons variés. La mission dont j'ai pris la charge n'en est qu'à son commencement. Par votre vote dimanche, donnez de la force à ces orientations qui sont celles du bien public et de l'espoir. Le service de la France, aujourd'hui, c'est de prôner les exigences du bon sens et du patriotisme. Le service de la France, c'est aujourd'hui vous dire que la paix ne se quémande pas, que la liberté ne se défend pas d'elle-même, que l'avenir se conquiert. Tout est volonté, effort, solidarité. Vous, les anciens, qui avez tant donné à notre pays, vous, les jeunes, qui attendez que la vie réponde aux élans de votre cœur, vous, hommes, femmes, qui savez que la montée vers les cimes est plus exaltante que la trop facile descente vers la médiocrité. Tous, vous voulez une France forte. Ensemble, nous pouvons la bâtir. Ensemble, nous pouvons la maintenir. Jeune et libre, forte et généreuse, savante et tolérante, riche de vitalité, prête aux exploits glorieux comme aux conquêtes pacifiques, rebelle à la misère, solidaire des peuples qui souffrent, qui luttent, qui espèrent. La France, notre France. Pour me faire élire, jamais je ne crierai « Vive la démagogie !» Avec eux, avec vous, je crierai « Vive la démocratie !» Pour me faire élire, jamais je ne crierai « Vive tel parti, vive tel autre parti, vive les combinaisons !» Avec eux, avec vous, je crierai « Vive la République !» Pour me faire élire, jamais je ne crierai « Vive le libéralisme ou le socialisme ou le communisme, vive la facilité ou l'illusion ou l'imposture !» Avec vous, avec eux, je crierai « Vive l'effort, vive l'espoir, vive la France !»